à tous et bonjour aux loutres. Je vous souhaite la bienvenue sur cet épisode 1 du JUJ. Alors dans cet épisode 1, je vais vous parler d'un concept qui s'appelle le Live Escape Game et que j'ai découvert au début du mois d'avril, car c'était mon anniversaire, on avait organisé une petite sortie là-bas. Alors en fait, le concept, autant que je sache, est né en Asie de l'Est, tout au fond, au Japon, en Corée du Sud. Et c'est un concept qui consiste en fait, pour ceux qui ne connaissent très pas, à enfermer une équipe de d'habitude de 2 à 6 personnes dans une salle pendant une soixantaine de minutes, et leur but c'est de s'en échapper. Et pour s'en échapper, il faut résoudre différentes énigmes, parfois faire des tours de force, mais d'habitude ce n'est pas ça qui est privilégié dans les live escape games. Par exemple, soit des petites énigmes de logique, soit il faut trouver la clé d'un cadenas pour dans laquelle il y aurait une autre clé, ou bien avec un alphabet secret, il faudra trouver le code d'un autre cadenas, et beaucoup de choses comme ça. C'est un peu en fait comme un Fort Boyard, mais la majorité du temps sans force physique. En fait, je ne connaissais absolument pas avant, et lorsque j'y suis allé, là où je suis allé, la particularité, c'est qu'on peut réserver pour 2 équipes de 6, donc si on est nombreux, c'est un privilège. Et ça m'a, personnellement, ça m'a beaucoup plu, parce que ça m'a semblé très intéressant, ne perdez pas notre temps. Celui, parce qu'il y avait plusieurs niveaux, c'est le niveau qu'on a pris, on est sorti un peu en avance vu que c'était assez facile. Mais après, il y a des niveaux beaucoup plus difficiles, et c'est autant pour les enfants que pour les adultes, c'est d'ailleurs plus pour les adultes. Et ça m'a paru très intéressant, ça développe tout ce qui est logique. Donc, tous ceux qui ne connaîtraient pas et qui habiteraient pas très loin d'une grande ville, eh bien, je vous invite à essayer ce concept. Donc, pour les Parisiens qui m'écoutent, je conseille donc celui où je suis allé, qui s'appelle le Happy Hour Escape Game, donc que vous pouvez trouver sur Internet, qui se situe sur les grands boulevards, exactement au 37 rue de la Lune, dans le 2e arrondissement. Après, pour les non-parisiens, et surtout pour ceux qui habitent à l'étranger, il y en a un autre qu'on m'a conseillé, qui s'appelle Claustrophobia. Donc ça aussi, vous pouvez trouver sur Internet. Donc voilà, quoi d'autre. Sinon, je m'excuse pour le long délai d'attente, car j'étais en vacances, et comme je l'ai signalé sur mon fil Twitter, je n'avais pas mon matériel d'enregistrement, et du coup, je n'ai pas pu enregistrer. Sinon, pour les autres, merci beaucoup de votre retour. Je vais prendre compte de certaines de vos remarques. Enfin, je vais prendre compte de toutes vos remarques, puisque certaines n'ont pas fait de telles pour que j'en prenne en compte. Et sinon, voilà, à part ça, eh bien, je vais vous souhaiter une bonne soirée, matinée, après-midi. Et on se revoit dans un prochain épisode du JUJ. Salut tout le monde, ciao.